partant par là que j'ai toujours lu avec beaucoup d'intérêt tout ce livre, tout, non, une partie de ce qu'il a écrit, mais j'ai assez tendance à retraduire, je dirais, en termes de sociologie classique. Bon. Et donc c'est en ce sens-là que je vais voir les relations de Luhmann et de Simmel, c'est-à-dire prendre un certain nombre de références explicites à Simmel chez Luhmann, voir comment il les travaille et voir jusqu'à où, je dirais, le processus de retraduction dans une autre, dans sa théorie, nous mène plus loin, ailleurs, où finalement peut-être repose, et là je serai assez proche finalement de la position d'Habermas, reprend les mêmes questions que posait la théorie du sujet et structurellement apporte des réponses qui sont semblables, mais évidemment avec un autre vocabulaire. Mais ça, je le dirai, je reviendrai en conclusion sur ce point-là, cette position, disons, d'Habermas qui était présentée dans Philosophie de la modernité. Alors, Simmel aussi, me semble-t-il, a un rapport, disons, alors là c'est plus anecdotique d'une certaine manière, avec Luhmann, mais c'est en prenant le refus que la sociologie française, finalement, a manifesté vis-à-vis de ces deux auteurs. Là, il y a une espèce d'homologie, enfin bon. Il y a eu un premier moment, c'est vrai, pour Simmel ou Durkheim, qui voulait institutionner la sociologie, s'est servi, comme il le dit à un moment donné, d'un quelconque Simmel, et puis, finalement, il l'a rejeté. Alors, moi, je veux voir aussi comment la façon dont Simmel a posé la question des formes de socialisation. Comment son petit texte célèbre « Comment la société est-elle possible ?» enfin, l'excursus sur « Comment la société est-elle possible ?» et sert à certains moments à Luhmann pour poser deux types de théories. Une théorie traditionnelle, enfin qu'il appelle comme ça, pour penser l'ordre social, et puis une théorie qui en effet ne part pas de l'État, ne part pas de l'économie, ne part pas du politique, mais essaye de poser la question de la constitution de la société de manière abstraite, et où il y trouve un intérêt certain. Et là je m'appuierai à la fois sur des textes de Soziologische Aufklärung, le tome 2, mais aussi évidemment le texte très long Comment l'ordre social est-il possible de Luhmann, où il consacre 5, 6 ou 7 pages, je ne sais plus exactement le nombre, à la question, enfin à l'excursus de Simmel. Et j'essaierai de voir comment la façon dont Simmel a posé la question de la socialisation a pu servir, je pense, à Luhmann dans sa façon de réfléchir de manière à la fois abstraite, enfin de manière abstraite, la question de la théorie sociologique. Je pense qu'il se retrouve en ayant, dès le début, des positions qui ne séparent pas la naissance, enfin, dans un cas, la naissance de la sociologie de positions épistémologiques et de sociologie de la connaissance pour Simmel, et il en va, à mon avis, de même pour Luhmann. Alors, il est vrai que je vais procéder de la manière suivante, c'est-à-dire je présenterai donc un certain nombre de thématiques siméliennes, et puis je verrai comment il me semble qu'elles sont à certains moments, alors au sens fort, retraduite, parce qu'il arrive même que Luhmann, à un moment donné, reprenne un texte de Simmel et, dans son vocabulaire, nous donne sa position. Alors, la grande question étant la suivante, où est le gain, à un moment donné, de connaissance? En fait, c'est ma question. Donc, alors, bon, alors, évidemment, je dirais des banalités de base au départ sur Simmel. Hein. Bon, quand même, rappeler que dès le début, il se confronte à la question de la société, de la socialisation et aux conditions de possibilité de la société. Et c'est dans ce, donc notamment dans cette excursion, comment la société est-elle possible, qui instaure une réflexion sur un certain nombre, alors évidemment c'est le vocabulaire de l'individu, j'y reviendrai aussi, qui instaure une réflexion sur les dispositions que nous prêtons aux individus lorsqu'ils se socialisent, sur le rôle des attentes, et les modifications qui proviennent de orientées par l'interaction, qui proviennent de la consistance de la forme de la socialisation. Et là où les deux auteurs, je trouve, manifestent aussi un intérêt commun, ensuite évidemment les solutions ne seront pas les mêmes, c'est le fait que Simmel s'est beaucoup intéressé à la question des socialisations émergentes. Et la question du système émergent est quand même un des grands thèmes, je dirais, développé par Niklas Luhmann. Alors, on le sait, Simmel a introduit, je dirais avec d'autres, si on fait vraiment de l'histoire de la sociologie, mais enfin, c'est finalement sa position qui est restée, le principe d'activité réciproque, à partir duquel aussi Luhmann, je dirais, va réfléchir, puisque à un moment donné, il nous dira toute cette façon de penser est dorénavant dépassée parce qu'elle n'a pas su faire la... Elle a toujours considéré que les individus faisaient partie de la société, d'abord qu'il y avait des individus, et qu'ensuite ces individus faisaient partie de la société, alors que ma position va essayer de montrer en quoi ces prémices sont beaucoup trop lourdes, et puis surtout sont, selon lui, maintenant dépassées. Alors, autre point qui me semble commun entre Luhmann et Simmel, alors évidemment, là encore, je le dis, les solutions ne seront pas les mêmes, mais Simmel introduit une différence entre les formes de socialisation et la société. Les formes de socialisation ne sont pas... la société est finalement la somme de toutes les formes de socialisation, mais il n'y a pas de société en soi. Et les formes de socialisation peuvent donner lieu à tout un ensemble de descriptions qui vont aussi montrer qu'elles instaurent, je dirais, un certain nombre de limites par rapport à ce qui n'est pas elle. Bon, alors évidemment, il n'est pas question à l'époque de parler de système et d'environnement. Mais lorsque Simmel traite, par exemple, de la société secrète, on voit comment il y a tout un ensemble de frontières et de limites qui se mettent en place. Je reviendrai aussi sur le chapitre concernant l'espace de Simmel, qui sert à un moment donné à Luhmann pour montrer comment Simmel, à certains moments, en effet, ne permet pas de saisir ce que lui nomme la différence entre deux systèmes avec leurs environnements, puisque Simmel mettrait des fois la frontière simplement entre deux individus ou deux personnes qui seraient prises comme des globalités et des totalités. Alors, j'avais déjà l'an dernier insisté, là c'est une introduction, j'y reviendrai plus dans le détail, sur les relations évidentes qu'il y avait entre la position de Luhmann concernant la confiance et, disons, un certain nombre d'aperçus, parce qu'évidemment Simmel n'est pas un auteur systématique, loin de là, un certain nombre d'aperçus qu'il y avait dans la sociologie de Simmel. On avait même pu dire que finalement la position de Luhmann, c'était une mise en commun des positions de Simmel et de Parsons. Bon. Alors, mais si la question de la confiance est si importante pour Simmel et est si importante pour Luhmann, c'est parce qu'à mon avis, d'un côté, on a chez Simmel la question comment la société est-elle possible ? Et comment la société est-elle possible dans un monde aussi qui devient de plus en plus incertain, où les individus ont de moins en moins de connaissances les uns sur les autres. Et cette façon dont Simmel pose la question de la constitution de la société me semble être reposée évidemment d'une autre manière avec la question de la double contingence chez Luhmann. Mais la question de la double contingence, bien entendu, débouche forcément sur la question de la confiance et de la méfiance. Bon, alors c'est là où je verrai que Luhmann, il n'y a aucun doute, et disons plus précis, ne serait-ce que parce qu'il a il introduit deux stratégies, alors que finalement Simmel, qui est un peu, on va dire, idéaliste là, nous parle plus de la confiance et nous parle nettement moins de la méfiance comme stratégie. L'autre point qui me semble aussi important, c'est qu'on peut quand même considérer que c'est Simmel qui a commencé à réaliser une décomposition de la personne, et on lui accorde quand même assez souvent la paternité, je dirais, des premiers développements, à part Lazarus et Steinhal, de la psychologie sociale. Et la notion de rôle qui va quand même être reprise et qui va jouer, disons, en arrière-plan, un rôle, me semble-t-il, important dans les positions de Luhmann, peut être considérée comme ayant une source importante chez Simmel. Évidemment, ensuite, il faudra passer par Mead, ça c'est incontestable. Bon. Mais on n'a plus affaire, je dirais, on a affaire à, plus exactement, on a affaire à ce qu'il appelait une individualité à multiples facettes, et une individualité qui est chaque fois, disons, pour partie dans un cercle social et pour partie à l'extérieur. Alors évidemment, les êtres humains ne sont pas à l'extérieur là, mais ils commencent à ne plus être totalement socialisés dans une forme de socialisation. Il y a toujours chez Simmel cette part en dehors, je dirais, de la socialisation qui nous donne une espèce de personnalité clivée. Bon. L'entrecroisement des cercles sociaux, tel qu'il l'a développé, nous permet de comprendre aussi un phénomène de différenciation. Et dans ce phénomène de différenciation, les individus sont toujours partiellement, alors là évidemment ça renvoie aussi à l'excursus, partiellement socialisés et partiellement hors de la socialisation. Alors, bon, avec, il faut bien le dire quand même, cette idée que l'individu pourrait être quelque part, on ne sait trop où, mais enfin bon, quelque part un véritable tout pour lui-même. Et autre point qui me semble aussi important, c'est lorsque Simmel, mais là on est plus du côté de la philosophie de l'argent, lorsqu'il développe toute la thématique suivante, c'est-à-dire que dans un certain nombre de socialisations, finalement, les personnes n'entrent plus que, pour une part, tout à fait fonctionnel dans une socialisation, et tout ce qui était, qualité personnelle, j'utilise son vocabulaire là, reste totalement en dehors. Alors, pour Simmel, c'est une façon de comprendre aussi une augmentation de la liberté individuelle. Bon, alors là encore, on pourrait, je pense, faire, des rapprochements avec la théorie Luhmann, mais surtout quand il se défend, son anti-humanisme théorique n'a rien contre finalement l'être humain, je dirais ça de cette manière-là. Ce qu'on lui a parfois reproché, là je pense, un peu facilement. En même temps, la façon dont Simmel traite de l'argent, on peut considérer que c'est sans doute une des premières tentatives, évidemment c'est pas son vocabulaire, d'analyser un média de communication généralisé. Toute la philosophie de l'argent nous montre finalement comment l'irruption de l'économie monétaire permet une forme de différenciation sociale et une mise en commun d'individus qui sont de plus en plus éloignés et qui ne savent plus beaucoup de choses les uns sur les autres, mais qui ont trouvé un moyen, disons tout à fait limité, de communiquer, qui est l'argent, lorsque tout se centre sur l'échange d'argent. Donc en ce sens-là, la philosophie de l'argent, sans compter tous les aspects qu'il y a aussi dans la philosophie de l'argent, sur les institutions sociales comme outil, parce que j'ai parfois lu quand même, les systèmes sociaux de Luhmann, et le fait qu'il nous parle de réduire la complexité comme, la création d'institutions sociales qui permettent de la réduire. Mais j'ai dit, moi je retraduis des fois dans le vocabulaire d'une sociologie qu'il pense avoir dépassé, je pense aussi montrer comment il situe par rapport à cette sociologie. Et là, j'aurais peut-être une position un peu différente par rapport à ce qui a été dit avant. Je pense que des fois, il lui arrive, notamment dans les systèmes sociaux, de clairement dire que, alors c'est pas évidemment une intégration et un dépassement, mais comment sa théorie permet d'inclure toutes les théories précédentes. Je vous citerai et donc de leur donner, de nouveau une vitalité parce qu'elles ont été incluses dans un nouveau système qui s'est construit pour lui et non pas, laisser, et là il est en effet assez ironique et mordant, aux commentateurs, donc éventuellement je pourrais me sentir visé, aux commentateurs des classiques qui se contentent finalement d'essayer de rappeler ce qu'était la position de tel ou tel auteur. Bon, enfin bon, je dis ça cum grano salis. Alors, il n'est pas question dans cette communication en même temps de rendre compte du rapport total de Luhmann à Simmel, mais de voir comment il en reprend des thématiques et justement en suivant le propre programme de Luhmann, lorsqu'il nous parle de l'interpénétration, il nous dit qu'il produit une théorie qui, de part son pouvoir supérieur de conceptualisation est une clé pour l'analyse de la relation des êtres humains aux systèmes sociaux, mais c'est une clé qui permet d'inclure les théories des rôles, des besoins et de la socialisation. Autrement dit, sa propre théorie est une théorie qui retravaille les classiques, mais évidemment pas en voulant dire ce que les classiques ont dit, mais à partir de sa propre théorie des systèmes et ce qui permettrait de leur redonner une vie qu'autrement ils auraient perdu. Alors, on pourrait se demander évidemment s'il y a véritablement inclusion, cheminement parallèle, niveau différent, voire des fois, je pense, détournement. Surtout, en quoi tel ou tel article, par exemple, de psychosociologie des organisations et des petits groupes de la fin des années 60 est-il véritablement pertinent pour le développement de l'interpénétration. Mais là, c'est pas l'objet de cette communication, mais c'est la façon dont il a réussi, en effet, à ingérer, je dirais, tout un travail de sociologie et de psychosociologie qui était réalisé aux États-Unis dans les années 60-70. Alors, Simmel est un auteur que Luhmann, me semble-t-il, cite assez fréquemment. Ce que Simmel appelle les socialisations minimes, ou encore se jeter un regard, toutes ces socialisations dans le vocabulaire de Simmel, qui durent pas et n'ont pas vocation à durer, mais qui sont fondamentales pour la consistance des socialisations. Luhmann le traduit en dans le vocabulaire suivant. Donc, la société complexe aurait multiplié le nombre et le haut degré d'activités occasionnelles socialement dépourvues de fonction. Bon, là, on a, disons, une insistance aussi sur le fait qu'il faut, je dirais, regarder un certain nombre de phénomènes qui, et ça c'était en effet une position forte de Simmel, qui apparemment n'apparaissent pas comme fondamentaux, mais qui néanmoins sont tout à fait révélateurs par rapport à l'ensemble social. Alors, évidemment, là où Luhmann, je dirais, a lu, et ça c'est assez fascinant, a lu toutes les œuvres importantes de Simmel en sociologie, il a même lu les Lebensanschauungen, ce qui est vraiment, disons, un texte que presque personne ne lit. Lorsqu'il aborde la mort, il cite en effet explicitement Georg Simmel. Lorsqu'il traite de la question de la socialisation dans les systèmes sociaux, il, là encore, il remarque que depuis Simmel et Mead, la recherche en socialisation s'est transformée, Luhmann, hein, et pas à son avantage, en un domaine de recherche spécial, et qu'une théorie générale ne peut être maintenue que par rapport à ces deux auteurs. Autrement dit, ce qu'il accorde toujours à Simmel, c'est de s'être placé sur le plan d'une théorie générale et d'une théorie abstraite. Alors, bon, ensuite on pourrait discuter sur le point que, en effet, Mead et Simmel ne conçoivent pas exactement la socialisation, enfin, ne conçoivent pas la socialisation de la même manière. Mais ça, ce serait une autre question. Il y a aussi des références, alors là, quand on connaît bien l'œuvre, hein, de Simmel, je dirais, implicite. Alors, ça dépend, et explicite, ça dépend des textes. Parce que, bon, Luhmann, je dirais, comme Simmel, a quand même plusieurs fois réécrit un petit peu la même chose. Hein. Si on regarde les sociologies chez Aufklärung, sur les systèmes sociaux, si on regarde les textes qui suivent, il y a, à un moment donné, des parties qui sont reprises, pas forcément d'ailleurs retravaillées, des fois où il y a simplement des élagations. Bon, alors là, en effet, dans certains textes, il peut citer explicitement Simmel, dans d'autres, il ne le fait plus. Il y a évidemment dans les systèmes sociaux, lorsqu'il s'intéresse aux conflits, des références, alors là, elles ne sont pas toujours explicites à Simmel, dont on sait que c'est quand même le premier à avoir remis, disons, parce qu'ensuite, ça avait déjà pu être dit en philosophie, remis la question du rôle socialisateur du conflit dans à l'ordre du jour, je dirais, de la sociologie. Alors, les relations portant sur le tiers aussi, que toujours là dans ce chapitre sur le conflit de systèmes sociaux que Luhmann consacre au tiers, sont, je dirais, à certains moments très très proches de tout ce que Simmel avait pu développer. Et Je noterai à ce propos qu'on a affaire chez Luhmann très souvent quand même à une formule rhétorique qui est la suivante. Alors il nous parle en effet du conflit, du tiers, et nous ne pouvons poursuivre ces réflexions dans le détail. Et puis on passe à autre chose. Alors ça des fois, je dois dire, ça me laisse un peu pantois. Bon, mais... alors, parce que là, il vient de nous parler du tiers, simplement, enfin, il vient de nous parler que du tiers dans le conflit, alors qu'il est évident que Simmel a vu l'ensemble des configurations dans lesquelles la figure du tiers peut intervenir, médiateur, bénéficiaire, se renforçant pendant que deux autres s'épuisent, juge impartial, etc. Je trouve donc dans les écrits de Luhmann, je dirais, il s'est beaucoup, me semble-t-il, intéressé à ce que pouvait écrire Simmel. Alors, il partage aussi, alors là évidemment on est du côté plutôt de la sociologie allemande et pas de la sociologie française, toute la question, même s'il va la reprendre autrement, évidemment de la compréhension d'autrui et de la question des attentes. On aurait du mal à trouver, je dirais, des textes sur les attentes dans la sociologie française, en tout cas pas chez Durkheim. On trouve en 1934 un petit texte de Marcel Mauss qui, dans un débat avec Simian sur l'économie, lui dit « mais finalement, c'est sur cette notion d'attente que nous devrions travailler ». Nous avons trop mis l'accent sur la contrainte, la force, l'obligation, etc. Parce que si nous sommes ensemble, c'est en effet pour nous attendre entre nous à un certain nombre de choses. C'est, je dois dire, une des seules références à cette notion d'attente que j'ai pu trouver dans la sociologie française classique. Alors, évidemment, s'intéresser aux attentes, c'est en même temps s'intéresser aux interactions. C'est évidemment s'intéresser aux activités réciproques, c'est s'intéresser inévitablement à la compréhension. Alors évidemment, ensuite, il faudra se mettre d'accord sur ce qu'on met sous ce terme de compréhension. Donc, une orientation qui essaye de construire sur, chez Simmel, évidemment, des relations entre individus. Chez Luhmann, évidemment, on va avoir cette décomposition qu'il réalise entre système social, système personnel, personne, enfin bon. Alors, je vais encore... donner une indication sur la façon dont Luhmann a pu à un moment donné explicitement dire je pense qu'il y a peut-être d'autres, hein, je n'ai pas tout lu, donner explicitement son rapport à Simmel. Alors je ne me propose pas non plus, hein, je veux dire, comme l'avait fait Alois Hahn dans le Berliner Journal für Soziologie à propos de Dilthey, de dire il y a théorie des systèmes chez Simmel qui attend, Luhmann pour véritablement se réaliser. Hein. Ce serait sans signification, mais ce que je veux faire, c'est le prendre comme Luhmann l'a dit qu'il le prenait. Et je pense qu'il le fait aussi pour Durkheim ou pour d'autres. Il y a là des pierres ou des fondations à partir desquelles on peut reconceptualiser. Ceci est dit clairement dans un article de 1975, dans System Theory, Evolution Theory und Kommunikation Theory, paru dans les Soziologische Aufklärung 2. La position de Simmel. Luhmann nous dit, dès que l'on cherche hors des domaines théoriques ou des traditions théoriques qui se sont données pour objet des fonctions spéciales, le politique, l'économie, alors dans ces autres traditions qui n'ont pas essayer de fonder la sociologie ou la constitution des sociétés sur de telles fonctions sociales, alors on trouve des matériaux préparatoires et des idées à disposition. Breitlingendes Gedankengut. Mais il faut reformuler le problème. Selon lui, avec de petites opérations, mais choisies et centrales, on parvient très rapidement à du neuf et à de nouvelles constellations théoriques. Alors, c'est là qu'il va, il le refera dans « Comment l'ordre social est-il possible ?», s'appuyer sur la digression « Comment la société est-elle possible ?» de Simmel. Il remarque que dans cet excursus, Simmel nous dit qu'à la différence de la nature, la société est un objet qui construit ses relations. Oui, absolument tout ce que dit Simmel là. C'est intéressant, mais donc il y a l'introduction d'une différence, mais il faut ajouter, et c'est là qu'il se différencie évidemment de Simmel, qu'il ne faut pas attribuer les relations précisément parce que ce sont des relations à des qualités ou des conditions du système. Pour Simmel, donc, on peut considérer que la société construit en son sein des relations. Donc ça, ce serait attribué toujours à la société ou à une forme de société, à une forme de socialisation, une espèce de totalité, alors qu'il faut introduire une... ces relations ne peuvent être construites que si l'on introduit une différence entre chaque fois le système se socialisant et son environnement et l'autre système se socialisant et son environnement. Mais l'idée de la construction de relations, disons, à l'intérieur des formations de socialisation, donc, je veux dire, c'est comme ça, je crois, qu'il agit avec de nombreuses théories. À un moment donné, il regarde, ça lui, on va dire ça comme ça, fait tilt, il reconceptualise dans sa théorie, et il marque, en effet, ce qui, selon lui, était une absence de la conceptualisation en général, parce que c'est comme ça qui revient le plus souvent, une absence de la conceptualisation système-environnement et unité de la différence système-environnement. Bon. Alors, là, ensuite, je dirais, je ne me prononcerai pas, on peut être convaincu ou pas. Bon, si je dis ça déjà comme ça, d'une certaine manière, je donne une réponse. Hein. Bon. Ce qu'il reproche dans... donc à ce classique qui est Simmel là, c'est de finalement considérer qu'on peut quand même avoir affaire à des tout autosuffisants qui procurent une perfection au parti. Alors que pour lui, il va s'agir de dissoudre d'une certaine manière ce phénomène. Et c'est là où il insistera sur le fait que on ne peut utiliser les classiques qu'en les regardant à nouveau, mais à partir d'une autre théorie, et non pas, disons, en essayant de poursuivre ce qu'ils avaient déjà mis en place. Alors là d'ailleurs, si j'ai oublié le numéro de la note, mais pour ceux qui voudraient lire comment l'ordre social est possible, la petite note sur le mésusage des classiques, pleine d'ironie et de mordant, et bon, elle n'est pas très longue, hein, donc, même si on ne maîtrise pas beaucoup l'allemand, on peut la lire avec un intérêt certain. Alors, bon, maintenant j'en viens, donc si vous voulez, moi, ce qui m'a frappé, c'est que donc la digression, comment la société est-elle possible, est à mettre en relation avec la question de la double contingence. Hein. Si on prend, la théorie de comment la société est-elle possible, évidemment, nous renvoie ensuite vers la question des formes de socialisation et, je dis, à double contingence, vers la question des systèmes sociaux. Mais les deux nous renvoie aussi et surtout à cette question qui alors est traitée, là encore, pratiquement pas traitée dans la sociologie française, qui est celle en effet de l'importance de la méfiance, confiance, bienveillance, etc., qui découle en quelque sorte de, pour Simmel, de la question de comment la société est-elle possible, et pour Luhmann, de la double contingence, hein, où il fait jouer ensuite évidemment un rôle tout à fait fondamental à la façon de maîtriser cette complexité due à la double contingence, de maîtriser cette complexité par la fonction confiante. Alors, je pense que vous connaissez à peu près les positions de Simmel, hein, sur comment la société est-elle possible. Je rappellerai que pour lui, on ne peut la considérer, évidemment c'est une digression, comme il l'appelle, de théorie de la connaissance, qu'à condition d'introduire, dans le vocabulaire évidemment kantien, trois a priori, mais il y en a surtout deux qui sont, importants, me semble-t-il, et ce sont d'ailleurs les deux que Luhmann commente. C'est donc la socialisation n'est possible que si je peux finalement me faire une image de l'autre. Donc c'est une théorie, je dirais, avant celle de Schütz, de la typification. Donc la société n'est possible que si des individus peuvent construire une image de l'autre. Mais cette construction, il faut bien le voir, et c'est pour ça qu'il y a encore une relation avec les black box de Luhmann. Cette construction de l'autre, évidemment, laisse l'autre, je dirais, ce que Simmel appelle le secret de l'autre, l'autre est fondamentalement inconnaissable. C'est-à-dire que la relation qui s'établit est une construction réciproque, où je suis en effet, c'est l'individu qui est dans une interaction, et là encore on pourrait dire que Simmel, et Goffman d'ailleurs a bien remarqué comment il était important, nous dit, mais ne nous dit pas tout à fait, que toute interaction se construit, les individus cherchent à mettre en œuvre une ligne de conduite commune. Bon, peu à peu, donc, il y a en effet ce qu'on peut appeler une interaction, un ordre émergent qui se crée dans un certain nombre de situations. Donc, l'individu, il y a cette façon, en effet, de typifier l'autre. Alors, bon, chez Simmel, ce qui est important aussi, c'est dans sa sociologie des sens, où il insiste aussi sur la manière dont, évidemment, le visage joue un rôle fondamental dans la façon dont l'interprétation du visage des autres joue un rôle fondamental dans la construction que nous réalisons de ce qu'ils sont pour l'interaction en cours. En d'autres termes, Simmel nous dit, je le tire un peu vers l'ethnométhodologie, que ce qui nous connaissons, pour les besoins de la pratique, là je ne le tire pas, ce sont ces termes, pour les besoins de la pratique, nous connaissons et nous construisons, un autre sujet, ce qu'il est réellement, est quelque chose qui reste définitivement hors de l'interaction. Deux exceptions, l'amitié et l'amour. Bon. Et je trouve que la façon dont Luhmann va reprendre dans sa théorie sur l'intimité, alors évidemment là encore ce ne sera pas de la même manière, mais le fait qu'il y a peut-être, disons, un lieu où les individus, disons, sont, où chacun est en quelque sorte beaucoup plus interpénétré, je dirais, de cette manière-là, avec l'autre, c'est, et l'autre évidemment avec soi, c'est l'amour. Autrement, on est dans des systèmes où de toute façon, et ça tient aussi au deuxième a priori, où de toute façon, l'individu n'est jamais totalement socialisé dans n'importe quelle forme de socialisation. Bon, là, ça, je veux dire, c'est quelque chose qui, alors, maintenant peut sembler banal, mais je veux dire que lorsque Simmel le dit en 1908, c'est pas aussi, aussi banal que ça, et surtout, cela relève d'un domaine de la... Enfin, à ma connaissance, il est le seul en sociologie, parce qu'évidemment, il y a... Ça, je ne l'aborderai pas... toute la phénoménologie et la façon dont, évidemment, Luhmann s'est aussi réapproprié la phénoménologie. Mais ce qui est important dans dans l'excursus simmélien, c'est le fait qu'il y a un savoir de la socialisation réciproque entre les individus. Et que surtout, ils ont, alors évidemment c'est un gros mot là, ils ont conscience de former une socialisation. Et cette conscience de former une socialisation, c'est évidemment une limite, alors bon, chez Simmel, simplement une limite par rapport à, disons, ce qui n'est pas à l'intérieur de la socialisation. Hein. Mais où il est amené ensuite à faire des descriptions que je trouve aussi tout à fait intéressantes, c'est de celle du passage d'une forme de socialisation à une autre. Et évidemment, nous avons affaire, plus la société se développe, plus les individus peuvent participer à des formes de socialisation différentes, plus, en quelque sorte, l'individualisation, autre thème qui sera repris, je dirais, par Luhmann, va pouvoir se développer. Mais c'est une individualisation coup par coup et, je dirais, par cercle social. Alors, le deuxième, a priori, également important, c'est donc celui-là de n'être jamais totalement socialisé, ce qui fait que une part, ça c'est dans le vocabulaire de Simmel, hein, une part de l'individu est toujours en dehors d'une socialisation en cours, et il y a cette idée que l'individu n'est pas seulement social, mais aurait aussi, disons, une espèce de projet qui serait d'être une unité ou un tout pour lui-même, un tout autosuffisant. Bon, là encore, je pense qu'on pourrait essayer de voir comment tout ceci peut être développé vers l'auto-référentiel. Alors évidemment, on pourrait trouver chez Durkheim aussi, hein, l'individu qui devient de plus en plus autonome par rapport aux structures sociales. Donc, je m'arrête à quelle heure? J'ai encore du temps. Oui, mais je pense que quand même il va falloir que je passe un peu plus à Luhmann, hein, ça c'est sûr. Les formes de socialisation, c'est leur ensemble qui crée la société, mais cette question du savoir des socialisations implique, alors là évidemment on a sans doute une grande différence entre les deux auteurs, c'est que ce savoir des socialisations, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une espèce de connaissance aussi des états mentaux, hein, des autres individus. Et la typification dans les relations interpersonnelles est, alors, ce qui va, je dirais, condamner pour un temps Simmel. c'est qu'en même temps, il insiste sur un savoir psychologique, qu'il appelle psychologique, une psychologie conventionnelle, hein, dans la connaissance les uns des autres. Bon, il a développé d'abord ces thèmes dans les problèmes de la philosophie de l'histoire, comment l'historien connaît, etc. Ricœur avait fait un peu la même chose, en réattribuant, disons, aux individus grandes catégories psychologiques. Moi, je dois dire que je suis frappé, lorsque je lis Luhmann, entre le moment, je dirais, d'abstraction très très fort, puis des fois on a un peu envie de souffler quand même, et tout d'un coup, l'irruption de ce que j'appellerais, lorsqu'il entre un peu dans le détail, et pour moi c'est pas condamnable, hein, sauf qu'il ne le dit peut-être pas explicitement, d'une psychologie conventionnelle à l'œuvre pour essayer de rendre d'une certaine manière vivant un certain nombre d'exemples qu'il prend. Je ne parlerai pas des choses les plus triviales, hein, dormir la fenêtre ouverte ou la fenêtre fermée, ou lorsqu'il décrit dans la socialisation émergente, d'une certaine manière, bon, les invités sont en retard, qu'est-ce qu'on fait ? On attend combien de temps pour manger ? Comment trouver tout ça dans les systèmes sociaux ? Mais je veux dire, tout ça, là, on est au niveau, je dirais, de ce qui peut en effet se passer tous les jours et d'une espèce de savoir ordinaire qui, à un moment donné, et qui utilise une psychologie conventionnelle qu'il met en œuvre, me semble-t-il, assez souvent lorsqu'il y a des fois une espèce de dépression entre les niveaux. On a décomposé tout un ensemble de termes où on a essayé de montrer comment ils s'emboîtent autrement, et on revient à un exemple qui est d'une certaine manière tout à fait trivial. Bon, mais je pense qu'il y aurait aussi à étudier, le rôle de ces exemples dans la théorie, luhmannienne. Qu'est-ce que c'est ? Des illustrations, une espèce d'argument ordinaire, je ne sais pas. Mais évidemment, chez Simmel, lui, il le revendique. Donc là, il n'y a pas de problème. Il revendique l'usage d'une psychologie conventionnelle à la fois pour la tâche de l'historien, la tâche du sociologue, et évidemment psychologie conventionnelle qui, selon lui, est à l'œuvre dans toutes les relations ordinaires que les individus ont les uns avec les autres dans leur socialisation. Oui, alors, j'ai dit l'individu... typifie l'autre. Mais en même temps, il n'est évidemment pour Simmel jamais non plus transparent à lui-même au moment où il typifie. Et là, on trouve, dans un texte qui est dans la sociologie, bon, alors qui n'est pas dans le petit texte sur les questions de comment la société est-elle possible, mais dans le chapitre sur le secret et la société secrète, où il insiste sur le fait qu'il y a une sélection interne, donc ça c'est une page 351, une sélection interne de ses propres états mentaux, et que nous stylisons, nous sélectionnons, nous mettons en ordre, mais nous n'avons pas non plus un accès, direct à ce qui serait l'ensemble. Alors on pourra ensuite prendre le vocabulaire qu'il utilisera, influencé par Bergson et de James aussi, du flux de conscience. Hein. Mais donc ça veut dire qu'il y a une double sélection, si je traduis en d'autres termes. Je sélectionne dans la perception, évidemment, que j'ai de l'autre, je sélectionne, je construis, j'ai une vue fragmentaire, mais en même temps, de mon côté, il y a aussi une opération qui se déroule, qui est une opération de sélection par rapport à tout ce qui pourrait se passer dans ma conscience à ce moment-là. Et je pense que là aussi, il y a disons, une façon de ne pas prendre en compte un sujet qui serait en quelque sorte maître de lui-même et totalement assuré. Alors, en ce sens-là, hein, ce que Luhmann ne cesse de signaler, dans la sociologie de Simmel, les boîtes noires restent des boîtes noires les unes pour les autres. Enfin, je veux dire, les individus ne se connaissent pas mieux, ils connaissent des fragments, des constructions, des typifications, mais il n'y a pas d'accès direct à la conscience de l'autre, bon, du moins chez Simmel. Hein. Et le... considère que la façon dont Luhmann, disons, alors évidemment avec un autre vocabulaire, traite du système social, me fait penser à la manière dont Simmel avait décrit cette constitution des socialisations dans l'excursus sur comment la société est-elle possible. Alors, là, je me réfère aux systèmes sociaux, hein, donc ça c'est page 157, pour les Luhmann, hein, pour les quelques aspects qui comptent dans l'échange entre systèmes autoréférentiels qui s'observent réciproquement. Alors, chez Simmel, on a évidemment des individus qui s'observent réciproquement. Leur capacité d'élaboration de l'information peut suffire. Le concept d'information, évidemment lié à communication et tout ça, qui vient remplacer, je dirais, la construction typique chez Simmel. Ils restent séparés, ne fusionnent pas et ne se comprennent pas mieux qu'auparavant. Alors, là, il y aurait, ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent observer chez l'autre en tant que système existant dans un environnement et ils apprennent chacun d'une manière autoréférentielle. Selon leur perspective d'observation, chaque fois particulière. Fait retour tout d'un coup aussi à un terme qu'on n'attendait pas. Ils peuvent tenter d'influencer par leur propre action ce qu'ils observent. J'entends le terme d'influence et d'activité réciproque qui à d'autres moments est critiqué comme ne permettant pas de rendre compte de situation. Et le feedback leur permet à nouveau d'apprendre. Alors, mais c'est de cette manière, là donc, capacité d'élaboration d'informations, qu'un ordre émergent peut se réaliser, qui est conditionné par la complexité des systèmes qui le rendent possible. Il poursuit, nous appelons système social cet ordre émergent. Alors, il ne s'agit pas de ramener Luhmann à Simmel, hein, mais je considère que la façon dont Simmel essayait de rendre compte des formes de socialisation, en effet, comme, disons, des socialisations émergentes, les relations qui se passaient à l'intérieur étaient en quelque sorte, en effet pour reprendre ce que Luhmann dit à d'autres moments, une pierre sur à partir de laquelle on peut essayer de bâtir. Nous ne pouvons, hein, dans la sociologie de Simmel, saisir l'individualité, et c'est précisément parce que nous ne pouvons pas la saisir que le type de relation sociale est possible. Ça, c'est toujours dans la digression, page 32, de comment la société est-elle possible. Oui, alors, je vais en venir à... oui, alors là aussi, je dirais que, en effet, que l'observation des systèmes psychiques n'implique pas nécessairement l'observation de leur conscience, je pense que c'est évidemment tout ce qu'une théorie de la compréhension a dit à partir de Dilthey. On n'observe pas la conscience, ce n'est pas possible, etc. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, pour moi, il y a une reprise, alors évidemment, qui est ensuite transformée, mais de toute cette tradition qui est plutôt quand même, disons, de type herméneutique, compréhensive. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas tous les autres aspects, puisque Parsons a joué un rôle central, Durkheim aussi. Hein. Mais alors c'est peut-être ça, une des forces de Luhmann, c'est d'avoir réussi, je ne dirais pas une synthèse, mais de s'appuyer en effet sur tout de la tradition sociologique. Alors que d'autres sociologies, disons, choisissent plutôt une voie et puis vont plutôt être durkheimiens, plutôt weberiens, plutôt ou des synthèses qui n'en sont peut-être pas vraiment de ceux qui pensent pouvoir mettre ensemble Durkheim, Marx et Weber. Bon, mais c'est cette capacité, alors évidemment extraordinaire de lecture, qui fait, je pense, une partie, enfin du moins pour moi, de la fascination que j'ai vis-à-vis de cet auteur, tout en n'en partageant pas, disons, ensuite, le développement en termes théorie des systèmes. Alors, maintenant, ce sera peut-être le dernier point, le chapitre sur la double contingence des systèmes sociaux de Luhmann. Il nous dit... Il a donc le grand texte, c'est finalement comment l'ordre social est-il possible. Là, dans ce chapitre sur la double contingence des systèmes sociaux, il a redécoupé d'une certaine manière ce qu'il avait dit dans l'autre. Donc, il nous dit dans l'histoire de la discipline, je l'ai déjà remarqué, on a donné en quelque sorte, on a tenté de donner deux réponses à la question comment l'ordre social est-il possible. Une qui est majoritaire, le mainstream, toujours, bon, et une donc qui porte sur un fondement économique, qui porte sur le politique, qui peut porter sur la religion aussi, pourquoi pas, et une autre qui nous présente par contre une position abstraite à partir de laquelle on va tenter de saisir plutôt l'émergent, l'indéterminé, tout ce qui ne peut pas non plus être déjà déterminé. Bon, c'est son grand débat, je dirais, vis-à-vis de Parsons, hein, aussi. Parce que ce qu'il reproche à ce type de théorie, qui sont fondées sur, disons, le politique, l'économie, c'est qu'en général, elle débouche aussi sur l'idée que, de toute façon, il y a des valeurs partagées. Et que ce qui fait un ordre, c'est que les individus partagent déjà les valeurs. Donc, il nous dit d'une certaine manière, on retrouve à la sortie ce qu'on avait mis au début. Si les individus, disons, partagent déjà des valeurs, et qu'on nous dit ensuite que la société, c'est parce que les individus partagent des valeurs, d'une certaine manière, on n'a pas véritablement avancé. Et surtout, la question de la façon dont se crée, à un moment donné, des... nouveaux, alors on va dire ça là, en prenant le terme de système très large, hein, de nouveaux systèmes sociaux est totalement intraitable avec cette théorie des valeurs déjà partagées, qui exclut d'une certaine manière en fait tout ce qui se passe lorsque les individus sont véritablement, alors les individus, lorsque les systèmes psychiques sont dans des situations où ils pourraient former un système social. Alors, il appelle d'ailleurs les premières théories, hein, des théories gentilles et serviables, celles qui, bon, pour Parson, c'est assez bien trouvé sans doute, et qu'il oppose à celles qui prennent de front, et c'est là où en effet, comment la société est-elle possible, celles qui prennent de front la question de l'invraisemblance. Bon, et en effet, on le sait, c'est un de ses grands thèmes, et je pense un des grands thèmes qui a beaucoup contribué aussi à son intérêt, peut-être pas en France, mais ailleurs, c'est-à-dire comment finalement ce qui est invraisemblable devient possible, devient plausible et devient possible. Hein. Et non pas de mettre d'abord l'accent sur ce qui serait déjà déterminé et qui, en ce sens-là, ne pouvait pas être autre. Et présenter les choses, hein, sous le caractère de l'invraisemblance, bon, alors là, c'est la source, là, c'est pas si mal, hein, même si j'ai dit comment la société est-elle possible, c'est évidemment l'ethnométhodologie qu'il retravaille aussi à sa manière, hein, qui sait comment, disons, des individus peuvent arriver à construire un monde commun. Où, donc il s'agit, et ça je crois que c'est une, en effet une de ces techniques, des fois de radicaliser un certain nombre de questions. Alors maintenant, et là on va avoir justement, disons, on va redescendre un peu après l'abstraction. Bon, alors, Simmel nous dit, hein, donc les individus, chacun se sait influencé par l'autre et qu'il l'influence en retour. Bon, chez Luhmann, ça donne dans la double contingence à un moment donné, je ne me laisse pas déterminer si tu ne te laisses pas déterminer. Bon. Qu'implique là la forme négative? Est-ce qu'il y aurait plus une conception qui nous conduirait à penser qu'il y a plus, mais là ce serait, disons, c'est de l'interprétation, de résistance à former une unité, alors que, évidemment, dans la formulation simmelienne, on est dans le constat d'un état de fait. Chacun se sait influencé par l'autre et sait qu'il est influencé par l'autre. Là, la phrase pour dire comment, disons, fonctionne un certain nombre de phénomènes de double contingence, je ne me laisse pas déterminer, si tu ne te laisses pas déterminer, me semble indiquer aussi un certain nombre, puisqu'il aime faire ça, Luhmann, de retour du théoricien dans la théorie. Hein. Il a fait le coup à Simmel en disant que quand il parle de l'espace, c'est le juif non assimilé qui finalement revient dans la théorie, enfin, à qui on oppose, il n'était pas juif en plus, mais à qui on oppose un certain nombre de barrières. Là, j'ai des fois l'impression aussi, lorsque je lis, hein, qu'il n'hésite pas à laisser parler ce que j'appellerais, j'ai connu un autre professeur il y a longtemps, qui, là, n'est pas du tout systémique, mais c'était Julien Freund, et où à un moment donné, on avait des choses tout à fait intéressantes, tout d'un coup un mouvement d'humeur. Et je trouve que dans la théorie luhmannienne, à certains moments, il y a véritablement, qui nous disent aussi un certain rapport général de Luhmann, disons, à l'ensemble social. Bon, alors, je dirais que comme la question de la double contingence est centrale, comme la question de comment la société est possible est fondamentale chez Simmel, les deux sont en effet conduits à se poser la question, alors Weber l'a posé à propos de l'économie, hein, mais que par rapport à l'invraisemblance et à l'incertitude, évidemment, a accordé un grand poids. Alors, chez Simmel, c'est ce qu'il appelle des catégories affectives, hein, il considère même que la confiance est une sorte de catégorie affective. Chez Luhmann, c'est comment, par rapport à n'importe quelle situation, on peut se trouver à utiliser soit la confiance qui multiplierait les possibilités d'action et en ce sens-là permet mieux de réduire la complexité que la méfiance, mais la méfiance n'est jamais, disons, est une stratégie qui est toujours possible. Ils sont, je dirais là aussi, mais ça je l'ai déjà dit, donc très bref, hein, aussi d'accord sur le fait que là je pense qu'en effet, il ne fait que prolonger Simmel sur les différences entre confiance personnelle et confiance impersonnelle. Donc là, c'est, je trouve qu'il y a une ligne très claire. Oui, alors, juste une dernière remarque. C'est que à propos, ça c'est aussi ce que j'appellerais des fois la dramatisation que peut réaliser Luhmann. Pour Luhmann, bon, c'est plus présent dans Systèmes sociaux que dans Vertrauen. Hein. Il y a à un moment donné, lorsqu'on fait conscience, lorsqu'on fait confiance, des seuils de peur pour lesquels il faudrait inventer des stratégies du malgré. Bon, malgré la peur, je fais confiance. Là, on a évidemment une position tout à fait différente sur ce point-là de Simmel, puisque en quelque sorte, la confiance est elle aussi presque une catégorie a priori de des formes de socialisation. Alors, pour conclure, hein, bon, moi, je dirais que cette manière de s'approprier, de s'appuyer, de retravailler le patrimoine sociologique me semble, comme j'ai dit, tout à fait fascinante. Maintenant, en effet, la question que j'avais déjà posée tout au départ en m'inspirant là d'Habermas, hein, est-ce que la théorie des systèmes ne donne pas aux mêmes questions des réponses structurellement analogues à celles que donnait jadis la philosophie du sujet. Et on pourrait se demander des fois si des attributs du sujet ne se trouvent pas déplacés vers le système qui use, qui choisit, qui... C'est pour ouvrir la discussion. Bien, merci beaucoup pour cette conférence très éclairante et tout à fait minutieuse dans la comparaison des travaux de Simmel et de Luhmann. La parole est à la salle maintenant, si vous avez des questions. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes de discussion. Vous avez évoqué à un moment le concept de projet. Est-ce que c'était dans un sens sartrien ou pas ? Non, c'était... Et dans un sens courant ? C'était dans un sens courant, oui. Moi, j'ai une question un peu de fond sur la notion de socialisation. Vous évoquez, Luhmann travaille beaucoup sur la notion de socialisation en voulant à tout prix éviter l'idée que la socialisation, ce serait l'intégration, comme il dit, de modèles, de structures dans la tête des individus et à un moment donné dans... Justement, dans le chapitre Interpénétration, il utilise beaucoup cette notion dans comment l'ordre social est-il possible, il parle d'auto-socialisation. Alors, je voudrais savoir s'il y a un peu quelque chose de mémoire déjà chez Simmel ou si c'est vraiment présenté en opposition avec ce type de théorie. On ne pourrait pas dire. Alors, bon. Là, il faut aussi se mettre d'accord. Lorsque Luhmann parle de socialisation, non, parce que le concept de socialisation est, un peu délicat, dans la mesure où je dirais il y a la socialisation au sens classique de la sociologie, qui n'est pas celui de Simmel, hein, c'est-à-dire où les individus, entrent dans la société. Se socialisent en apprenant, on leur inculque un certain nombre de règles, de choses comme ça. C'est la conception classique de la socialisation. La socialisation passe par l'éducation, à travers la socialisation, on apprend les règles de sa société. Chez Simmel, les formes de socialisation, ce sont les relations qui s'établissent entre des individus. Dans certaines situations, il peut considérer que la société secrète, alors là on n'a plus affaire, hein, disons, à la socialisation de l'enfant qui va devenir un adulte, hein. Ce sont les formes de socialisation, ce sont des relations des uns aux autres qui prennent une coloration particulière dans certaines situations. Alors, bon, chez Simmel, ça renvoie à une idée de contenu qui est, bon, par exemple, la religion va être une manière dont le contenu piété pourra être socialisé. Donc, là, je ne voulais pas l'aborder. Je veux dire, chez Simmel, il y a cette fameuse différence entre forme et contenu. Mais toute forme de socialisation renvoie à un contenu qui est, disons, suivant les expressions qu'il prend, psycho-bio-physiologique. Donc, c'est-à-dire la fin. La fin est un contenu. Maintenant, la manière dont des individus vont partager ensemble un repas, ça, c'est une forme de socialisation. Et on va pouvoir décrire de nombreuses formes de socialisation différentes. Bon, on peut faire de la sociologie empirique, là, les femmes sont debout, servent les hommes, enfin, etc. Donc, il va y avoir un certain nombre de relations qui sont propres à tel ou tel, néanmoins, qui sont propres à tel ou tel contenu. Alors, ceux qui le. Si un groupe doit respecter un secret, cela va impliquer un certain nombre d'attitudes, à la fois entre les membres du groupe quand ils sont ensemble, et surtout, oui, finalement, je n'ai pas parlé de la limite, mais c'est pas grave, lorsqu'ils sont, face à d'autres individus, par rapport à qui, évidemment, il s'agit de rendre invisible le lien invisible qui pourtant les lie. Donc, les formes de la socialisation chez Simmel implique surtout cette action réciproque où je me socialise avec l'autre, mais il y a une espèce de contenu qui est, par lui présupposé. Donc, ensuite, il pourra faire remarquer que, il y a certaines formes qui peuvent être communes, parce que son terme de forme de socialisation, c'est là où il n'est vraiment pas systématique, hein, à plusieurs exceptions. Donc, il y a des formes de socialisation, la domination et la subordination peuvent être des formes de socialisation. On va pouvoir les retrouver autant dans l'Église que dans un parti politique, que dans... Bon. Alors, il y a ce sens-là de forme, il y a l'autre sens de forme qui est... Alors, donc, domination-subordination, c'est évidemment une action réciproque. Hein. Donc, qu'on peut retrouver dans des formes de socialisation différentes. Alors là, des formes de socialisation telles que l'Église, le parti politique, pourquoi pas des groupements artistiques, l'université, enfin, on pourrait multiplier les... l'individu, chez Simmel, on a ce que... à ce moment-là, n'en parle pas, mais chez Simmel, l'idée d'individu est évidemment fondamentalement celle de la Bildung. C'est-à-dire, nous avons à nous former pour nous approprier l'ensemble des créations qui sont dans l'esprit objectif. On va dire ça comme ça. L'idée de l'individu est quand même une idée du perfectionnement de soi. Alors, en ce sens-là, si vous voulez, on pourrait, comme l'avait décrit Goethe dans les affinités électives, on peut passer sa vie à apprendre. Et finalement, c'est ça qui est intéressant. Bon, c'est une sémantique particulière. Hein, à partir de là, oui, on pourrait dire qu'il y a une forme d'auto-socialisation. Si c'est ça la question que vous me posiez. Non mais, bon... La société n'a pas d'action directe sur l'individu. La société n'a pas une fois que je suis dans... Bon, alors c'est plus compliqué. Nous sommes non seulement des descendants, mais nous sommes aussi des héritiers. C'est une phrase aussi, d'accord. Donc, ça veut dire que si, elle a évidemment une influence au sens où nous, quand nous arrivons, si on peut dire ça comme ça, évidemment, nous approprions un certain nombre de choses qui sont là. Mais c'est une conception, bon, c'est pour ça qu'il n'a jamais été aimé, je dirais, par certains sociologues, c'est une conception qui est active. Je veux dire, la socialisation, en ce sens, alors la socialisation au sens classique, pas le sien, hein, l'individu devient un adulte de sa société en s'appropriant les biens de culture qui sont à disposition. C'est même une espèce de devoir. Hein. Bon, ça a été très fort pour tout, et très critiqué par Marcuse, pour, disons, toute l'idéologie de la bourgeoisie allemande. Hein. On pourrait, si on voulait, là, faire une espèce de réductionnisme un peu rapide. Cette idée de la construction de soi en s'appropriant le maximum de ce qui est dans l'esprit objectif. Ce qui implique aussi que les traductions, par exemple, soient un domaine que l'on valorise. Parce que c'est pas seulement l'esprit national, c'est en même temps lié au cosmopolitisme. Bon, alors là, ça pourrait renvoyer, disons, à des thèmes tout à fait de politique tout à fait intéressants, mais c'est pas l'objet ici. Alors, par contre, évidemment, cette idée-là peut aussi conduire à se désintéresser des luttes sociales. Et c'est en ce sens-là que Marcuse critiquait l'idéologie de ce qu'il a appelé l'idéologie de la Bildung dans ses travaux des années 30. Culture et... Je crois que ça s'appelle culture et société, je ne sais plus. Bon. La société... Bon. Ce que vous me demandez, c'est la critique... C'était de manière critique que Durkheim, disait on ne peut pas simplement considérer, un certain nombre de contenus de la socialisation, ces contenus sont déjà socialisés. Bon, c'est-à-dire la fin. Simmel fera remarquer que non, la fin n'est pas déjà socialisée. Ce qui est socialisé, c'est la façon de manger ensemble. Ce qui est pour lui proprement social. Ce qui est la socialisation, c'est donc ce qui, je crois que c'est à peu près ça la phrase, was an Gesellschaft richtig Gesellschaft ist, ce qui dans la société n'est que société. Mais ça veut dire la capacité d'entrer en relation avec l'autre et donc de créer des groupes, hein, si vous voulez, si je le traduisais dans un autre vocabulaire. Et ensuite, la façon dont, à l'intérieur, vocabulaire de Goffman, de ces occasions sociales, les individus vont s'orienter les uns vis-à-vis des autres. Bon, c'est pas si je dis si je prends Goffman, c'est parce que dans l'introduction à la présentation de soi dans la vie quotidienne, il termine en montrant comment il y a entre sa perspective et celle de Simmel, disons, alors c'est en termes goffmaniens, l'idée de présenter un cadre théorique utilisable pour décrire alors ce que lui appelle les occasions sociales. Et ce que Simmel appelle les formes de socialisation, c'est-à-dire les relations qui s'établissent, et sont certaines relations particulières qui s'établissent dans certaines formes de socialisation. Alors, je prends un autre exemple, hein, qui me semble aussi important et qui est traité par Luhmann, lorsqu'il parle de la temporalisation des systèmes sociaux. Chez Simmel, c'est mettre en évidence, bon là on est en 1900, le fait qu'une forme de socialisation sera déterminée par la durée imaginée qu'on lui attribue. Autrement dit, si vous êtes dans un compartiment, lui aussi prend des exemples, dans un compartiment de train, et que vous savez que vous descendez dans une heure ou deux heures, il y a une forme de socialisation qui, on va dire autrement, vous proposez une communication et en face on accepte la communication, hein, si je veux le dire dans un autre vocabulaire. Bon. Alors là je dirais, donc vous faites une offre de conversation, ce serait plutôt ce vocabulaire-là, et en effet on accepte. Bon. En même temps, vous savez très bien que, disons, dans deux heures, peut-être même avant, mais en tout cas dans deux heures, cette interaction sera finie. Alors évidemment, il peut y avoir, vous allez me dire, bon, mais là on n'est plus dans la sociologie, un coup de foudre, et puis on reste dans le train. Bon, mais ça, c'est pas, c'est traité ni par l'un ni par l'autre, mais ils auraient pu, parce que bon, ils sont assez, moins académiques que d'autres, et ils auraient pu se permettre de dire ça. Mais la durée, si vous entrez par contre, si vous allez vous marier, vous ne pensez pas que c'est 10 minutes après que, disons, cette socialisation-là va être rompue. Là, on a une espèce... On ne sait pas dans combien de temps, ça, j'en sais rien. Hein. Bon. Mais enfin, il y a quand même, et Simmel dit, que cette anticipation de la durée, même, disons, lacunaire, comme ça, joue sur, évidemment, le type de relation qui peut s'établir. Bon, c'est tout à fait banal, hein. Bon. La même manière que le nombre est un élément important pour les socialisations. Bon, alors là, on peut se montrer, parce que c'est un des textes qui lui a été le plus reproché par ses collègues à l'époque, texte sur la coquetterie. Alors, bon, pardonnez-moi, mesdames, évidemment, là, à l'époque, hein, les questions de genre ne sont pas d'actualité. Même si c'est quand même le premier sociologue à s'être intéressé, considérer qu'il y avait des hommes et des femmes dans la société et pas que des hommes, mais qu'une femme peut se montrer plus décolletée, évidemment, si il y a une assemblée nombreuse, que face à une seule personne. Voilà le genre de choses qui sont de la psychologie sociale, mais qui ne me semblent pas, fausses. Alors là, c'est essayer de voir comment le rôle du nombre permet certaines attitudes qu'il interdirait dans l'autre. Bon, j'ai pris l'exemple de la coquetterie, mais évidemment, le nombre... Alors là, le truc classique, hein, c'est une relation à deux et une relation à trois. Je parle pas, je parle simplement, sans arrière-pensée, de relation à trois. Hein. Bon, trois pouvant être l'arrivée d'un enfant aussi, bon. qui va changer la socialisation existante entre l'homme et la femme. Voilà. Donc, ce sont toutes ces petites choses-là, mais je retrouve indirectement certaines descriptions plus tard de Luhmann, qui surtout a repris aussi... peut-être beaucoup plus, hein, finalement, Goffman, bon, mais qui s'inscrit, je veux dire, dans un intérêt pour ces phénomènes qu'on peut considérer, ou que trop souvent on considère comme minimes. Bon, la socialisation, je pense que j'ai pas été assez clair. On entre dans... une autre partie de Simmel qui n'est peut-être pas la plus intéressante encore qu'il faudrait. Où, en effet, il y a une forme de naturalisation. Il y a un besoin de croire. Toutes les sociétés qu'on connaît. Eh bien, ce besoin de croire va être socialisé de manière tout à fait différente. Selon le temps, l'époque. Donc son idée de contenu, elle est là, j'ai pris. Alors ensuite, il dit c'est plutôt la piété. Alors, bon, mais donc, ce qu'il appelle les hypothèses, nous ne pouvons établir de sciences sociales sans faire des hypothèses très générales sur. Des attributs humains ou quelque chose comme ça. Bon. Bah donc, ensuite, il cite. Alors, évidemment, il y a aussi, l'amour, donc il a consacré des travaux au mariage comme forme de socialisation, et bon, c'est là où, en effet, pour quand même ne pas le faire parler que de la femme coquette, où il remarquait que. La forme de socialisation du mariage de son temps était une prison pour les femmes. Bon, c'est, comment la socialisation, je dirais, entre un homme et une femme est aussi transformée à partir du moment où la femme travaille. Bon, donc c'est... mais tout ça est en même temps, si vous voulez, lié à son idée des cercles sociaux et au fait que dans la société, bon, qu'il appelle le plus part du temps moderne, il y a une possibilité d'appartenir à des cercles sociaux de plus en plus nombreux et qui s'entrecroisent au lieu de se recouvrir. Et du fait que ces cercles s'entrecroisent, l'individu n'est pas toujours sous le regard des mêmes. Et c'est une des conditions de l'individualisation, qui est un de ses grands thèmes et qui, à mon avis, est un de ses apports indéniables à la théorie sociologique. Bon. Que lui reconnaissait Bouglé, que lui reconnaissait moins Durkheim. Enfin. Oui, il y a deux questions à qui faut après. Oui. Estelle. Oui, en fait, moi j'ai deux questions. Une qui est liée à une connaissance de ma part, l'autre qui revient plus peut-être sur une forme de désaccord qu'on pourrait avoir. Lyon, c'est peut-être parce que je ne me souviens pas de texte là-dessus. Donc, quand tu parles des questions de la construction réciproque, on va avoir de la conscience de l'autre, et que tu en fait fais le parallèle entre Simmel et Luhmann, là, donc, pour, on parle de Simmel, mais manifestement, tu as l'air de retrouver chez Luhmann, tu parles de typification comme mode de construction. Je voulais savoir, enfin, là, moi, je ne vais pas souvenir des choses comme ça, donc, est-ce qu'effectivement, la construction, elle se fait sur un mode de production type ? Non. Non, alors là, si j'ai utilisé le terme, je veux dire, elle se fait sur le mode d'une construction réciproque, mais en effet, le terme de type, enfin, il faudrait que je vérifie, mais je ne suis pas sûr qu'il utilise le terme de type, mais encore... étant donné la lecture de Schütz et de Husserl, c'est pas exclu. Hein. Bon, mais là, oui, enfin, de type. Bon, alors attends, il faudrait se mettre d'accord. Pas de catégorie sociale. Si tu mets, si sous type tu mets catégorie sociale, bien entendu, non. Mais maintenant, si tu mets un certain type d'attente, là, oui, puisque finalement, ce qui est central. Pour autant que j'ai compris chez Luhmann, c'est le système personnel comme un lieu de fixation d'attente, enfin bon, quelque chose comme ça. Bah, là, en effet, je veux dire que lorsque deux systèmes entrent en... Alors, il faudrait que je vérifie qu'il utilise le terme. J'ai peut-être... mais je pense ne pas, disons, me détourner le sens de ce qu'il essaye de dire. Peut-être que le terme de type, il faut que je vérifie. Je suis d'accord. Ah oui, non, les catégories sociales, ni parce qu'il a l'air d'un prêtre, ou parce qu'il a enfin, des exemples compréhensibles. Non, non, là, c'est si tu veux, par rapport à Simmel, c'est... alors, évidemment, on se focalise la plupart du temps sur la digression. Mais il y a... que ce soit dans le chapitre sur l'espace, que ce soit dans le chapitre sur la fidélité, oui, ça, j'ai pas eu l'occasion d'en parler non plus, que ce soit dans le chapitre sur le secret, la société secrète... et l'excursus sur la frontière sociale, il utilise, je veux dire, d'autres instruments pour montrer que l'on entre en contact avec l'autre sans passer par ce qu'il dit dans l'excursus, où en effet les exemples principaux qu'il prend, c'est quand même... si je me souviens bien, la catégorie sociale, le prêtre, et puis peut-être le magistrat, enfin je ne sais plus. Bon. Donc, où là, on a en effet quelque chose de limité. Mais c'est beaucoup plus vaste, je dirais, si on prend l'ensemble de la sociologie. Et où, je trouve qu'il nous décrit des situations où, en effet, c'est... alors moi, j'appelle ça comme ça, hein, où à partir des attentes, il va y avoir construction d'une ligne commune. Bon, construction d'une ligne commune, ça peut être construction d'un système social. Mais les termes ne sont pas les mêmes, et ligne, évidemment, Luhmann le rejetterait, parce que ligne qui pourrait impliquer limite, enfin bon. Oui, alors, sinon, mais ça me permettait de répondre sur... justement, un des reproches, et je n'y suis pas revenu là, que Luhmann fait à Simmel, et qui est tout à fait juste, c'est que des fois, en effet, il décrit les relations comme si il y avait un filet de tennis entre les gens. Et alors, il s'approche plus ou moins, et donc il met la limite entre, et il oublie de mettre la limite autour. Ça c'est juste. Ça, j'ai rien à dire. Mais ça, c'est... cela dit, il prend à ce moment-là une phrase du chapitre sur l'espace, alors qu'à d'autres moments, donc, Simmel montre... Alors évidemment, dans sa tête, c'est plutôt une espèce d'union, utilisons son terme, hein, consciente des limites du groupe, qui fait la limite. Bon. Pardon. Il y avait une autre question, je crois. Ah oui, alors si on n'était déjà pas d'accord là, ça va. Non, là plutôt c'est un désaccord, mais peut-être que je vais essayer de localiser l'origine de notre désaccord. C'est par rapport à la façon que tu as de trouver du sujet chez Luhmann, Non, enfin, je jouais. Non, mais c'est pour dire. Parce qu'en fait, je m'interrogeais sur finalement les textes qui te servent pour réfléchir à ça. Parce que j'ai l'impression, enfin, tu me cites, d'après ce que tu as cité, qu'en fait, tu t'arrêtes à 85, 84, les systèmes sociaux, c'est ça ? C'est-à-dire que tu lis essentiellement des textes des années 70 ? Je vais jusqu'aux systèmes sociaux et après je lis les textes concernant l'observation et les autres, je les ai moins pratiqués. Parce qu'à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas parce que, Non, mais je ne veux pas dire qu'il y a une réintroduction du sujet chez Luhmann, hein, c'est pas ça. Mais je dis que... C'est un peu là où je reprends, si tu veux, une des propositions d'interprétation qui n'est pas méchante d'Habermas. Hein, bon, que ce qui avait été pensé en décrit avec la sémantique du sujet, on va dire ça, est redécomposé, redécoupé avec le système personnel, la personne, le système social, etc. Mais. Et la question, à un moment donné, pour moi, elle, et ça c'est pour moi tel que je peux utiliser, hein, je veux dire, c'est je vais pas plus loin avec Luhmann dans ce sens-là. Hein. Voilà, mais ça c'est. Je continue de choisir d'observer avec la sémantique de l'individu. C'est quelque chose qui l'autorise. On a le droit de l'observer. Simplement, il peut s'auto-limiter. Alors admettons que je m'auto-limite. Hein. Bon, mais ça, c'est, si tu veux, ma lecture a toujours été aussi de considérer qu'on pouvait le lire comme une espèce d'encyclopédie des sciences sociales. Mais j'entends par là que j'ai vu, en le lisant, j'ai eu accès à des textes auxquels je n'avais jamais pensé et que je n'aurais pas trouvé ailleurs. Bon, donc je m'approprier, je résiste un peu, peut-être plus qu'un peu, à la théorie. Des systèmes sociaux, mais bon, pas méchamment. Hein. Non, mais j'étais pas répondu. Non, mais peut-être d'autres questions sur je reviens après. Oui, alors il y a une question. Alors, dans votre réponse à la question précédente, la question d'Eva Dobré, vous avez évoqué la question de l'individualisation et vous avez évoqué ce qui me semble être deux modèles de l'individualisation chez Simmel. Et vous avez suggéré que peut-être ils pouvaient s'accorder, j'entends le modèle de la Bildung, et le modèle plus sociologique de l'individualisation, où on s'individualise en étant au croisement de multiples cercles. Et vous avez parlé de la Bildung, Simmel, il parle plutôt de culture subjective, donc le fait effectivement de s'approprier un maximum de contenu de la culture objective. Mais alors, là, je vois un modèle qui s'inscrit clairement, dans la tradition philosophique, et j'ai du mal à chez Simmel, je ne vois pas de texte dans lequel s'articule ce modèle philosophique de l'individualisation avec son modèle sociologique de l'individualisation. Parce que quand il parle de Bildung, il est plutôt dans l'attention individu-monde, quand il parle de cette individualisation sociologique, il est plutôt dans l'attention individu-société. Et alors, vous en avez parlé un peu ensemble, est-ce que vous semble que... Disons que... Chez Simmel, il y a deux niveaux, je pense qu'il faut distinguer, qu'il distingue lui-même lorsqu'il présente ses travaux, ce qu'il appelle la sociologie pure, bon, formelle, hein, reine sociologie, et une sociologie philosophique. Bon, alors, dans la première, il prétend que rentre la description des formes de socialisation. Dans la seconde, toutes les questions qui n'ont pas encore trouvé véritablement de réponse entre guillemets scientifique. Bon, voilà, ce serait, l'individualisation telle qu'il l'a décrit du côté des cercles sociaux n'implique pas que l'individu sens Bildung soit plus développé. Même si on lit, alors là, bon, ce sont des textes hors sociologie, hein, pure, vraiment, et hors sociologie, qui avaient été tenus à Strasbourg, Strasbourg étant allemande, hein, au début de la guerre. Durkheim de l'autre côté hein, souffle aussi dans la trompette, mais bon, il a une façon de considérer que c'est le l'individu va retrouver un sens grâce à cette catastrophe, enfin bon, que moi je considère comme une catastrophe, qui est la Première Guerre mondiale. Parce qu'il y a eu, en effet, il y a une individualisation, mais qui serait en quelque sorte sans objet. Étant donné que d'autre part, l'individu ne peut plus s'approprier, bon, c'est la fameuse tragédie de la culture, ne peut plus s'approprier les biens culturels. Voilà. Donc. Mais je pense qu'il n'est pas le seul. Hein, Weber serait, pourrait être. C'est les fameuses. Sur le. Kulturmensch qui devient un Farmensch, bon, l'homme de culture qui devient un homme spécialisé. Donc, et cet homme spécialisé, finalement, bon, peut être individualisé, mais ça n'a aucun intérêt. Enfin bon, du point de vue de Simmel ou de Weber. On pourrait dire qu'une partie de l'individualisme moderne pourrait être décrite comme ça, hein, je veux dire, une individualisation, mais vue de quelqu'un qui prend le regard la formation de soi au sens Humboldt comme critère fondamental, elle est nulle et non avenue. Mais bon, là c'est un jugement de valeur. Peut-être une dernière question avec une réponse rapide, parce que je crois que vous avez des contraintes, horaires. Donc... Enfin, moi c'était pour reprendre votre réponse à la deuxième question de cette Ferrari. Concernant votre scepticisme, disons l'ampleur de votre scepticisme. Le sujet de la portée opératoire des concepts humaniens. Alors, je pense notamment à la question de l'invraisemblance, comment la théorie humanienne nous permet de repenser peut-être tout ce qui est l'indéterminé, l'invraisemblable, ou l'idée qu'il n'y a pas d'identité fixe, comment ce redécoupage en fait, de la théorie des systèmes. Et ou non apporte une nouveauté par rapport à la sémantique du sujet que vous souhaitez maintenir. Je souhaite maintenir, je pense que l'on peut toujours l'utiliser. Maintenant, en même temps, comme on dit, c'est un sujet qui a quand même subi une décomposition. Hein, c'est pas non. Alors là, ça touche plus, je dirais, à de telle manière, peut-être à mon incompétence ou à un certain moment, à une non-appétence par rapport à au processus permanent de décomposition, recomposition qui est effectué par Luan. Mais si vous voulez, ça ne m'empêche pas de le lire, ça ne m'empêche pas de trouver de l'intérêt, mais je ne peux pas m'inscrire, je ne peux pas en quelque sorte l'appliquer. Enfin, ouais, bon. L'appliquer, c'est un mauvais terme. Je ne peux pas m'en servir, pour utiliser un terme de Simmel, comme regard sociologique. Je peux m'en servir pour nourrir le regard que j'ai, mais je ne peux pas m'inscrire dans, d'une certaine manière, dans ce regard-là. C'est, mais encore une fois, je pense que. Et je le dis, je dis ça aussi à mes étudiants, il faut des fois lire contre. Hein. Et je me sens des fois dans cette position où je lis, c'est-à-dire je lis contre, c'est quelqu'un qui me titille. Hein, voilà, c'est pas non plus, sinon je ne le lirais pas du tout, je le laisserais de côté. Hein. Bon, mais en même temps, j'ai je n'entre pas. Je résiste d'une certaine manière à entrer dans la théorie des systèmes sociaux. Ça me semblait paradoxal hein, de quand même lire Luhmann. Tout simplement par rapport à certaines questions, est-ce qu'il y a aurait une tendance à dire qu'il suffit de prolonger Simmel ou Non, je ne veux pas non plus faire là de Simmel le héros, disons, qui est. Non, mais. Quel bilan tirer de votre confrontation Simmel humain, sachant que vous avez mis l'accent sur le déplacement de votre père humain. Quelle idée finale tirer? Oui, mais. je pense que sur les la précision et l'ampleur du matériel utilisé par Luhmann sur certains points me convainc, mais je pense que que sa théorie, d'une certaine manière, à certains moments, je pense qu'il lui-même ne se situe pas au niveau de sa théorie. C'est ça que je voudrais dire. Lorsqu'il dit qu'il inclut la théorie des rôles, la théorie de la socialisation, mais je ne vois pas à ce... Je pense qu'on peut le lire, disons, de cette manière-là, c'est-à-dire relativement classiquement, avec tout d'un coup, en effet, un œil qui va mettre l'accent sur des questions comme, l'invraisemblable, comme toutes les questions tenant au sujet qui sont aussi fondamentales, avec quel, type de sujet ou d'individu ou de personne, etc., on opère. Mais c'est l'ensemble de la théorie que je ne m'approprie, enfin, au sens où je vois un peu, je pense voir comment ça fonctionne. Pour moi, c'est une provocation, mais c'est dans le bon sens. C'est ça ma réaction. Elle me force à réfléchir sur, tout un ensemble de concepts qui sont, alors dans la sociologie française, on le prend, trop souvent tenus comme allant de soi. Voilà. Et moi, c'est. Je pense que. Alors, évidemment, ça, c'est aussi. Bon, tu m'as très bien, sinon, ma réponse va être trop longue. La manière dont. Mais ça, ce sera peut-être aussi une limite de Luhmann, dont il s'est, en effet, peut-être un peu trop appuyé sur la théorie des systèmes. Qu'est-ce qui vient après la théorie des systèmes? Bien, merci beaucoup, cette matinée s'achève. Vous reprenez vos travaux à 14h. 13h30. Pardon ? 13h30, très tôt, d'accord. Oui, donc vous pouvez vraiment vous arrêter longtemps. Bien, merci beaucoup. Il y avait un changement de programme, on avait indiqué dans le oui.